Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. J'espère que vous êtes calés, que vous allez bien. Il est grand temps de partir pour deux heures de son 100% rap français avec, dans la deuxième partie, une session classique, mais juste avant, plein de nouveautés à découvrir sur Skyrock. Giorgio qui débarque la semaine prochaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Il y aura du Vald, il y aura du Seth Gecko dans la nocturne, du son de SCH et Niska, notre invité cette semaine dans Planète Rap. L'album est numéro 1, il s'appelle Charo Life, c'est le projet de Niska. On écoute tout de suite un extrait, Matuidi, Charo sur Skyrock. Planète Rap, 100% rap franc. Lunettes teintées, phare xénon, vitre teintée. Bender, j'partais au charbon, oui. Les biches portent blindées. Je prends la dalle, j'vais pas gaffer, oui. J'arbois toujours les mains gantées, oui. J'arbois toujours les mains gantées. J'volais le goûter des enfants gâtés, oh, oui, oui, oui. Elle prend pas le cul, elle veut pas se régater le clito. Le bendo na bendo, danse comme un charo, oui. Petit niggas à l'enquêto, donne-moi le tarot. J'vais pas te rase pas, t'es vraiment paro, t'es vraiment paro. Paris Saint-Germain, oui. Et bendo, m'as-tu dit charo? Au pas collé choco, maintenant t'as même le temps rose. Blanchet dans l'auto, on est les best, y'a pas le tout. C'est de l'argent qui t'apprend sort, protège la mufle. Et qui veut faire ardent feu comme un lacan. On sait faire la guerre comme des sauvages, cuit comme des bisous, du cognac. Bibi des trolls, ils sont gros face. Le thème c'est Tana, Tana, Tana, des Tana, des squads. J'fais mes doha, hola amiga, amiga, les chicas font hella. J'fais ma moula, quitte à dépenser. Attaque à la marche comme un Robert Houtou. J'te mets les trois points comme Jordan et Bruno. Allumé, manque de potes, tu vas t'as touché. C'est la nocturne Niska, Matuidi Charo, extrait de Charo Life. Et le nouveau son de Caris avec le XV Barbare, c'est maintenant. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne.

shit. Le retour de Niro, sortez couvert. Solo pour soulager ma peine. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. J'faisais pas la peine, rien avant d'avoir à la peine. Rien avant, j'attends ma peine. J'vais clair ou pas mal à Baba ou Sama. J'vais parler des choses qui vont causer ma peine. Sorti du vent de maman, non mon drama. J'savais que j'allais enterrer toutes ces leurs peines. Ma caisse va plier au prochain virage. Mon blaze reçoit à la prochaine enquête. Viens pas me raconter la vie des rappeurs. Et moi, Ayin, ces clochards font mal à la tête. J'suis de ceux qui piquent, de ceux qui achètent. Poteau, y'a du C4 sur la maquette. Le sang de nos ennemis est sur la machette. Niro est empoigné sur la plaquette. Oula! Le rap est mort quand il s'est fait fumer. Gros, moi j'étais pas là. Depuis tu peux v'là les violences urbaines, les vols à l'étalage. Mais gaffe, veulent juste parler à ton gros cul si ta tête est malade. Tu veux pas m'alicher, faut niquer leur cache à Francfort au palace, au Dallas. Les schlecks sont chalas, j'hésite entre les calas ou le famas. Tu nous aimes pas, coulé à ma mort. C'est pas ta mère qui paiera mon palace. Solo pour soulager ma peine. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. J'me sépare à la peine, rien avant d'avoir à la peine. T'as rien avant, j'attends ma peine. J'vais clair au baba, la baba ou sa main. J'vais parler des causes qui vont causer ma peine. Sorti du vent de ma vanne dans mon drama. J'savais que j'allais enterrer toutes ces leurs peines. Sors tes couverts. Sors tes couverts. Quand la rame s'est fait violer, pour moi j'étais pas là. On parle à ton cul si ta tête est malade. Des masques qui sont prêts à faire pour de l'argent. Pour des salopes, pour le regard des gens. Il fait des vols, sortez couverts. Juste au cas où faut protéger vos gens. Pour moi ça roule, ils veulent crever mes pneus. Ils voient rien faire d'autre que rayer mes jambes. J'ai deux trois frères qui m'en veulent un peu. De pas les laisser affaler tes jambes. J'traînais la nuit, j'avais même pas 10 ans. J'connais les gens, c'est des grands médisants. J'préfère avoir un poteau bête et méchant qu'un poteau trop tigeant, trop intelligent. C'est normal qu'ils soient pas contents. Laissez-les parler mal, ils sont dépassés par le temps. Personne n'est innocent, on soigne le mal par le mal. Réponds, on s'en parle sans. Quoi qu'il arrive, si on passe, tu t'en rappelleras. Mais reviens à mes concerts pour vendre celle-là. Ce qu'on prendra dépendra de ce qu'on leur amènera. 2-0, 15ème hier, on va baiser la. C'est pas ta mère qui perd à mon palais. Quand rap s'est fait fumer, gros, je dis voilà. Solo pour soulager ma peine. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Je faisais peur à la bête, bien avant d'avoir à la peine. T'as rien avant, j'attends ma peine. J'vais clair au baba, la baba ou sa main. J'vais parler des causes qui vont causer ma peine. Sorti du vent de ma vanne dans mon drama. J'savais que j'allais enterrer toutes ces leurs peines. Sors tes couverts. Sors tes couverts. Eddie R1, street, lourd. Sors tes couverts. Quand la rap s'est fait violer, gros, moi j'étais pas là. On parle à ton cul si ta tête est malade. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Nouveau Jarod dans la nocturne, rayonnons. Dream comme un dingue depuis 2004. J'ai commencé à peaufiner mes flots dans la putain 9ème zone. J'traîne avec des rarities ou sinon des rapis. J'ai commencé à former un janky dama sous le dôme. Tu connais mon histoire, petit mythoman. Fais attention à ce que tu vas raconter à tes gars sous whisky. Sous whisky y'a pas de pote, petit padawan. Tu les feras plus fumer sur joint, ils iront tout dire à ton ennemi. Mon gars va tu m'estimes, j'te renvoie du respect. Tu me demandes ce qui va se passer, moi j'crois qu'ils vont y rester. Bang bang, j'ai allumé tout le monde, t'es un fils de. Tu sais bien qu'on t'a démasqué. Va dire à ton monument et dire que je suis un vrai motherfucking bulldozer. Il va se mettre à Mozart.

à fond dans le SNES. Vise à test, ce qu'on veut c'est devenir les big boss. Ce qu'on veut c'est faire des lobes. Les bécanons ils sont levés. Y'a personne pour nous élever. Faut que ta morale, le grand frère s'est fait lever. Bonnet Gucci, sac élevé, équipe de cassos. Tous mes assos sont énervés. Ramène le matos, la balance, le lactose. La rebut, on la dose. Planque tout la nourrice, c'est Hervé. Planque tout la nourrice, c'est Hervé. Tu veux Haja, frère, tu t'en chez Hervé. Mais tu connais la street, pied de biche un matin. On est plus cassé chez Hervé. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. La vie, l'école, les cœurs, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. Non, nous on s'en bat les couilles, nous. On deal, on bise, on fume, on tire. L'avenir, on s'en bat les couilles, nous. C'est un peu con, mais qu'est-ce que tu peux y faire. Le vif dans ma génération prolifère. À peine les dents de Léon sans l'écran. On va trop vite, Ayam l'a dit dans le morceau petit frère. On est à fond dans la rodka. La vie d'Aloca, ça baisse en vodka. Pas besoin d'amour, mais d'un avocat. Jeffrey, ramène des glaçons pour la vodka. Moi je sais quoi les bails, go mon gava. A 19 je fais le kilo mon gava. Mais la moitié le rage avance mon gava. En ce moment je pèse Tony Montana. Je fais mon bif avant que les flics s'en mêlent. Sous le clic clac les lèvres sont de mille m'amènent. Pas de mic mac, vive l'argent du deal m'amène. Celui qui me clash ma parole je nique sa mère. Y'a ma... On s'en bat les couilles nous. On s'en bat les couilles nous. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles nous. On s'en bat les couilles nous. Non. Nous on s'en bat les couilles nous. On deal, on bise, on fume, on tire. L'avenir, on s'en bat les couilles nous. Petit microbe sur son bicross. Si j'ai caché dans le Lévi-Strauss. A fond dans le stress, vive la tête. Ce qu'on veut c'est devenir les big boss. Petit microbe sur son bicross. Petit microbe sur son bicross. A fond dans le stress, vive la tête. Ce qu'on veut c'est devenir les big boss. Posé au crime, ta cricature un banc. Un grand de chez moi m'a rencardé sur un plan. J'ai de quoi me refaire, fuck le commissaire, il saute ma planche, démarre un bis de chaque en blanc. Pour être quelqu'un, on te mesure au rendement. Comme ça que ça se passe, je vais pas te faire de roman. Dans le faux, je sais, changer, j'essaie. Je suis juste un produit de mon environnement. Quel plan l'avenir me réserve. Quel plan l'avenir me réserve. La vie c'est pas la play, y'a pas de bouton reset. Jeune et ambitieux, que Dieu nous préserve. Si seulement je pouvais remonter le temps. Savoir à quel moment l'ange est devenu mutant. Pardonnez toutes mes fautes, je ne suis qu'un débutant. Au passage, je m'appelle Moussa, je n'ai que 18 ans. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. Petit microbe sur son bicross. Si j'ai caché dans le Lévi-Strauss. À fond dans le SNES, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Ça sort le 23 octobre, Sam's à l'instant et Microbe dans la Nocturne. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. VLD, Valde. Ah, ces jeunes, il faut les voir et les entendre. Vu qu'ils braillent tous les soirs et puis qu'ils graillent de la merde. Faut les voir faire la queue devant les Grecs et puis les soirs. Pour de la drogue et de la dope, puis fume du touch, mais c'est quoi. À mon époque, j'avais des blocs, car il y avait déjà des blocs. Mais ces blocs, ils étaient propres, y'avait des fleurs, y'avait des portes. Maintenant c'est glauque, y'a que des halls. Des halls avec des jeunes qui ne font rien, mais qui dégradent. Et puis qui boivent, et puis qui schlinguent. Qui parlent de quoi, sinon de rien. De flingues, de vie de chien, avec la misère du monde sur les épaules, sur le véto, c'est bien trop dur. Alors bon, qu'ils fassent le mur une fois pour toutes et qu'ils dégagent. Qu'ils aillent loin, oui très loin, j'habite au-dessus. À mon époque, j'avais des profs, des gosses qui aimaient le taf, des forces de leur gros top et puis des punks dans leur underground. On était fun mais pas grossier, on était jeunes et inconscients. Mais oui, le gueule à doter sur les murs du bâtiment. C'est des chômeurs, des drogués, je te promets, ça ne vaut rien. C'est des voleurs, des paumés, je les connais, c'est vaut rien. Y'en a qui graffent, y'en a qui taguent. Qui saccage l'escalier, qui pisse dans l'ascenseur. Non mais bon sang, faut être damné. Moi pour ces jeunes, j'ai pas de censure. Non, ils ont rien dans le cul, sont bons qu'à se plaindre du décor. Alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin, moi dans mon coin. Je regarde la déloche, je les insulte de bon cœur. Et je déteste leur air moqueur, et je déteste par-dessus tout mes réveils au quartier. Assis seul, moi j'étais riche, assis seul sur ma péniche. Oui, je déteste mon quartier, tout est moche, tout est gris. Y'a tout qui hoche, c'est terrible, assis seul, moi j'étais. Assis seul sur ma péniche, y'avait du fait dans la playlist. Moi quand je suis né, y'avait des tours et puis des tours. J'avais des potes qui jouaient des fous, séchaient les cours et séjournaient en bas des tours, je comprenais pas. Je disais comme ça, mais gros t'es fou, on vend des tours toute la journée. Toi tu te barres pour y retourner, fais des détours, au moins je sais pas. Fais le tour, va voir autre chose, fais tes sous, quoi je t'ai dit, en bas des tours, j'ai fait des sous. Entre les cours et puis les tours, j'aime mieux les sous pour faire les courses. Où y'a des cours et puis les courses, et puis des sous en bas des tours et les yeux rouges, tout est beau. C'est beau même ici bas, c'est beau lorsque t'es sous, sinon c'est fou ce que c'est sale. Et oui c'est flou, essuyez tout c'est grave. Excusez-nous mesdames, mais ce n'est sûrement pas nous. C'est des gars, ces vieilles peaux, je les connais. Des pétasses qui ont le trépas, de bien haut elles nous regardent et nous épargnent jamais trop. Un journée, puis c'est mort, tous les autres font les journaux. C'est légendaire d'être aussi. Si seulement j'étais riche, assis sur ma péniche. J'aimerais quitter Belize et vivre le rêve d'être paysan dans les ranges sans le danger. Je ne pense qu'à manger, me venger, oui mais de quoi. J'aime à penser que j'ai pas de plan B. Ce n'est pas moi mais ce qui m'entoure. Je m'en fous, je lève la voix. Mais tu ne sais pas ce qu'on encourt. En bas des tours avec des fous quand font des fours. Des folles quand font des tonnes. Des toits qui foisonnent tout. Si bien que parfois j'en perds la boule. Alors le soir avec du shit, je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Alors le soir avec du shit, je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Mais pour ça il faut du shit. Ah si seulement j'étais riche. Ok, curse mode, la fouille, discographie. Qui l'aurait cru, mon buzz grimpe en mode spectaculaire. T'es qu'un clou sur ma route, ce que je crains c'est que tu perces ma bulle d'air. Scarla, tu pourrais le faire si j'ai pu le faire. Scarla, parle de la bouche, laisse pas ton trou du cul faire. Comment ça, je suis pas prêt. Fils et bang, sur le gang, fils de dingue. J'ai le feeling, feeling, c'est de chili gang. Toi et moi, pas le même acabit. J'suis ghetto, j'suis le même en cabine. J'ai un rat dans le beat, le bénéfice est copieux. Donc je dors peu, les plus flemmards restent au pieux. Les plus haineux restent envieux, les plus teigneux restent en jeu. J't'enfonce à sec, la jalousie dans le rédom. Curse mon reste dangereux. Fuck les coms des jaloux qui s'inventent des couilles sur le net. Sur la mec, ils connaissent tout sur le mec. C'est des femmes, des polos qui chassent comme des femmes. Ils aiment ça, niaque dans l'air. Tout le monde crie notre gangsta. On n'ira pas devant nous, pourtant les gens jaloux. On n'a attendu personne pour faire de bons dragues. Que tu reçois tes mains avec les autres. J'ai pas voulu d'oxygène, j'ai pas pris ton air. On n'ira pas devant nous, pourtant les gens jaloux. On n'a attendu personne pour faire de bons dragues. Après des piges de rap, on sort bien. J'suis pas le plus à plaindre. J'suis pas à craindre, aucune rumeur n'aurait pu m'atteindre. Ils sont dégoûtés à l'instant T. Tu te sens con d'écouter. On torche le cul, déjà les sons, j'ai coupé pour m'affronter. Change ton flow, change tes couplets. Rachète-toi un vécu, le mien pourrait te souffler. Le rap français, c'est toujours trop si, toujours trop ça. Gangsta, mais jamais j'suis la dica sauce. Ouais, j'suis l'artiste à Posca. J'tourne avec mon son dans le veston. De quoi faire danser la polka. Lascar, t'es auditeur ou bien paparazzi. Fais Bélec et l'homme que pute, ton pas de paradis. On n'ira pas devant nous, pourtant les gens jaloux. On a attendu personne pour faire de bons dragues. Que tu m'en sois témoin avec les autres frères. J'ai pas voulu d'oxygène, j'ai pas pris ton air. On n'ira pas devant nous, pourtant les gens jaloux. On a attendu personne pour faire de bons dragues. Que tu m'en sois témoin avec les autres frères. J'ai pas voulu d'oxygène, j'ai pas pris ton air. Yeah, yeah. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Niska. Après le son de Smoker et la fouine. Eh ma gueule, un bif bif. Eh, dis leur on va les... Un bif bif. Eh, ok, eh. Je vais appeler des coupables. Non. Je vais appeler des coupables. Oui. Je suis tellement de spé qu'il m'invente même des histoires de Karajika. De Karajika, tu veux être ma femme. Oui. Allez lourd au Kuna. Ouais. Toi tu putes ta chaleur et tu veux que je t'offre l'Ital Mika. L'Ital Mika. Bender. George, W Bush. Couler le sang comme un boucher. Ouais. Il n'y a que les faibles qui sont là pour se coucher. Charlie Delta c'est Chicago. Bender. Charlie Delta c'est Chicago. Bender. Chez nous en période de crise. Ouais. Malaki en ville à Kagoul. Ouais. Evergreen c'est à Kaboul. Bender. Les Tartares c'est à Bagdad. Bender. Passé Blasio c'est à Gaza. Avenue et Braque, même des magasins. Bender la Bender. Ouais. Ouais. 91 c'est Los Angeles. C'est Los Angeles. La PMG, ma forteresse. Wow. Les corps des faibles sont dans les tombes. Bang, bang, bang. Toi t'as parlé sur nous, maintenant compte les secondes. Être c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile! Si sa femme est stérile, elle ne pas des fécondes. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igo. Je suis venu, j'ai vu, j'ai trop que le guerre quand Bernard m'adore. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igo. C'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile! Si sa femme est stérile, sa pute est féconde. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igo. Je suis venu, j'ai vu, j'ai trop que le guerre quand Bernard m'adore. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igo. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. SCH dans la nocturne. J'anime mon vu faire. Vite ils sont questionnés. Ils sont grattés la tête. Aujourd'hui ils ont la calvitie. J'anime mon vu faire. Vite ils sont questionnés. Ils sont grattés la tête aujourd'hui. Kilot, coq, story shot. Quand t'es obscur, souris chauffe. Notre baraque, notre piscine, chérie, je la veux. BBM, moi encore, je vais crever jeune. Mara, fuck, street, corse, aborigène. Je pétave, j'écharge, roule des fumigènes. Ah, paie-moi ma drogue. De mauvaises idées naissent, je sais qu'au fond, je les gêne. Ces enculés auront plus ma santé pour mille deux. Je redoute plus la fin de mon chargeur que la fin du sample. Tournez vos vestes, j'ai des ronds, mon gong est solide. Maman redoute plus la fin du mois que la fin du monde. Donc je fais les choses bête. Je plains un rappeur des chichas. Je me montre exigeant. Faut que je leur crache au visage. Éventrer la bonbonne. Faites entrer les grosses sommes, marche dans nos villas, nos gamins, c'est mon, nos femmes nourrissent nos grosses. Et là je dirais putain c'est ça la vie. Oh oui, oubliez mes ennemis, la police, les stories, la folie. Putain c'est ça la vie. Ah oui, oubliez mes ennemis, la police, les stories, la folie. J'ai ni mon vu faire. Vite ils sont questionnés. Ils sont grattés la tête, aujourd'hui ils ont la calvitie.

100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Mon rap vient de mes entrailles, mon rap porte une balafre, mon rap vient de mes entailles. Mon rap a une stature, une carrure, un charisme, une voix, une pensée. Et les Français, pas qu'un riz. Mon rap vient des cabrets, de mes lunes oreilles. Hollywood, négro, pas Hollywood. Mon rap a quelque chose de trop vrai qui transcende les reflets, les inspire au progrès. Mon rap, c'est du rap de pauvre, rap sur vos bandes. Y'a que la foi qui sauve le jour dernier. Mon rap a une croyance. Je rappe les yeux fermés. Mais mon rap a une clairvoyance. Mon rap a ses défauts, mais il marche vers la lumière. La vérité reste, tant qu'on reste, elle n'est que éphémère. 20 ans que mon rap dure, brise les murs, fracture les portes et les fémurs. Mon RAP, la tête haute, le torse bombé, la poitrine gonflée de courage, prêt à tomber, succomber au service des nôtres. Car c'est le rap des sacrifices, le tirailleur au front face au rap des artifices. C'est le rap des vrais hommes, des guerriers valeureux qui aimeraient prendre à l'état et redistribuer aux malheureux. C'est le rap de l'engagement, la fierté des banlieues. Et en fait c'est le seul rap qu'ils craignent sûrement en haut lieu. Y'a plus de thunes en France, depuis l'euro on ne fait que survivre. Des temps passent et l'atmosphère est explosive. Les nouveaux riches sont rares comme les espèces normales. Le fisc a piégé l'ascenseur social. Tout le monde triche, pas pour gagner mais pour exister. Tout le monde emprunte, personne n'achète, presque tout le monde est endetté. Les étudiants se prostituent, tout le monde a faim. Sort des thunes, des banques, planquées sous le lit, c'est la fin. Nos petits frères vendent de la dope, tapent de la coke. Sont violents, insolents, persuadés qu'on ne peut devenir riche qu'en volant. Les noirs et les arabes remplissent les prisons. J'fais du rap qui leur propose un autre horizon. J'ai mes raisons et j'ai raison. J'suis en direct de la rue, c'est le retour du rap réaliste. Ici y'a pas de place pour ton rap capitaliste. Capitaliste, égoïste, narcissique. Toi et toujours toi dans ton rap individualiste. Pop, pop, c'est le retour du rap français. Pop, pop, pop, pop, c'est le retour du Renoir foncé. Dur, ferme, franc, fier, fort, hardcore. Jusqu'à la mort. Pop, pop, c'est le retour du rap français. Pop, pop, pop, pop, c'est le retour du Renoir foncé. Dur, ferme, franc, fier, fort, hardcore. Jusqu'à la mort. Pop, pop, c'est le retour du rap français. Pop, pop, pop, pop, c'est le retour du rap sensé. Pose le micro, leur rap ne sait que frimer. De l'ego trip, c'est tout ce que leur rap peut exprimer. C'est le bal masqué, pourquoi leur rap est costumé. Moi je fais du rap français, et c'est le rap des opprimés. Leur rap à la grosse tête tourne autour de lui. Même pendant ce temps j'écris des textes qui sortent mes frères du système. Mon rap a une conscience, une science et du bon sens. C'est pourquoi il a tendance à ne jamais suivre la tendance. Ne le cherche pas dans le troupeau, mon rap est un leader. Sans scroll niveau codeur, avec pudeur et profondeur. Avec une larme, un pacifiste avec une arme. Je suis un résistant, j'ai de l'amour pour la Palestine. Je suis un militant, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis qu'un étudiant, mais comme il y a beaucoup d'ignorants, je suis un enseignant. Je n'ai pas le choix, comme dit Péné, je porte une jeunesse sur mon dos. Que quelqu'un prenne ma place, parce que lourd est le fardeau. Courtes sont les euphories, mais constantes sont les épreuves. Ceux qui ne font rien ont raison, j'ai tort parce que moi je. Un breakbeat à sample, un MC. J'suis pop malgré moi, un big boy sur le baggy. Tu comprends rien à mon rap, t'es sourd, t'es comme Nagui. Faire des tubes sans contenu, j'peux pas, j'laisse ça à Shaggy. Depuis mes premiers textes, j'me suis opposé à l'État. Entre le système et moi, ça a toujours été la vendetta. Insubordonné, j'ai toujours été dans le combat. Avant de faire du rap, j'faisais du raga. Rappelle-toi, je ne veux pas aller au service militaire. Pour eux, je ne veux pas faire la guerre. Pour un morceau de terre, non, mais si, je ne veux pas aller au service militaire. Là-bas y'a rien à faire et dans mon quartier c'est déjà la guerre. Puisque mes textes ont du contenu, je peux les rapper à capella doucement. Balance le char et que je fasse vibrer les favelas. Maintenant fais péter la caisse claire. Même si c'est pas du dirty, c'est du sale rap révolutionnaire. Yeah, c'est le retour du rap français. français. Que pensent les frères à penser, progresser, avancer. À peine un an après, je remets ça. Déjà, je suis trop inspiré, j'ai trop faim de vrai peur. 2009, nouvel album, faut faire avec. Sur des prods de Nino, je compte vous laisser à des kilomètres. Pas de répit, pas de quartier, pas de pause, pas de pitié. MC, pose, pose le micro, ton rapport des ballerines. Tandis que mon étoile brille aux couleurs de l'hémoglobine. Une chaussure pour Bush, un gros molar pour Poutine. Ra, boum, je représente les frères qui s'oppriment. Mon rap est africain, parce que mon rap a une mémoire. Je suis comme Madame Taubira, j'aspire à connaître notre histoire. Les rappeurs parlent que de fric, du système sont des otages. Je me fous de ce que tu gagnes, ce qui m'importe c'est ce que tu partages. Fais des tours dans les cellules, Kerry James est de retour. MC Don pour recul, Mafia Capri, street lourd. À l'ombre du show business, le soleil s'est levé. C'est le retour des vrais, c'est le retour du rap français. C'est le retour du rap français. C'est le retour du Renoir foncé. Tu fais front, fier, fort, rapport jusqu'à la mort. C'est le retour du rap français. C'est le retour du rap sensé. Tu fais front, fier, fort, rapport jusqu'à la mort. Je rentre dans la cabine, ça sent classique. Rap, rap, rap tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Je rentre dans la cabine, ça sent classique. Rap. Les rappeurs lâchent mes pompes pour la tectonie. J'rappe, c'est même pas ce que j'fous réserve. Hardcore, jusqu'à la mort. Et j'rentre dans la cabine, ça sent classique. Qu'est-ce que tu sens que le prochain album va faire mal? Très mal, très mal, très mal, très mal, très mal, très mal, très mal, très mal, très mal. La nocturne. Star. Vous allez nous montrer de quoi vous êtes capable. C'est quoi ton blaze? Haroun, tu représentes quoi? Paris Besba, tu connais le boulevard? Vas-y. À la goutte d'or, s'en bat les couilles, que tu sois fort comme Hulk. Ça change rien, tes coups de pression, tu peux te les foutre dans le huc. C'est pas tes péripéties qui vont nous épater. Car aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tout le monde il est tardé. A mon avis, tu ferais bien de retravailler ton intro. Car ce que tu racontes, c'est tellement dit que je pourrais te baquer en impro. Je sais pas ce que tu fous, mec, ni même où t'habites. Mais juste que chez nous, c'est le souk et c'est ce qui fait que ma plume s'agite. Funky, ça sonne comme funky, mais c'est plus violent. Ça peut chanter la haine, tout comme faire chialer les violons. Comme quoi, ça peut aller loin, une petite bande d'insolents. En se mettant dans la tête qu'elle peut croquer comme Alain Delon. On est entrepreneur et comme c'est mort, on passe nos nerfs sur fond sonore. Et tout à notre honneur, les gens kiffent nos sommets. Pourtant on n'est pas star, on mène une vie de sonar à la holder du bastard. C'est quoi ton place? Mano Kid Meusa. Vous représentez quoi? C'est ouais. Ok. Donc on représente le 7-7, le plus grand département, donc fais gaffe à 7-7. Tout comme au billard, n'oublie pas ta queue. J'ai du cosmos comme au manège dans les cuisines de Shell 2. Le ciment, le béton, peut-être qu'on a l'amour du bloc. Une spéciale à Melun, un mot, au Détroit est plus fort. Qu'on fasse, qu'il faut qu'on fasse, nos beats à nos billes. 7-7, c'est le four à pain pour les crétins qui concrètent. On a notre propre salut, on a nos propres manies. Du maire Savigny en passant par Shell, Noisiel et Torcy, c'est le topo de la nouvelle génération, nos futurs. Des fois en rupture de camisole, gare à vos figures. Garde en main le schlass si tu veux blesser. Ce qui te rend insensible, c'est ce peine insatiable. À quoi bon céder comme chaque mec de chape? Je veux t'aider la vache sans l'avoir offert à un quelconque sacrilège forcé. C'est quoi vos blases? 13 et 16 et c'est du test on pin. Vous présentez quoi? Bagdad, Guelfar et les Yvelines. Okay. Arrêtez de parler, 7-8 c'est route comme Harlem. Les Yvelines, capitale de la drogue comme Harlem. La rime c'est ma pute, faut que tu viennes dans mon harem. On est les Yvelines stars, les lions sont lâchés dans l'arène. Fais le tour, les mains sur le capot, ici c'est stand de tir. Dans l'Ouest profonde, ici c'est du ça, viens investir. On a le vrai style, la cause, braqueur de poste. T'es dit pas mon blaze, on est sur écoute, vas j'y raccroche. Moi quand je rappe, tu voudrais que je vienne de ta ville. Depuis des squads qu'elle fait ID. Ça c'est chaud, les Yvelines, quand ça peut être 7-8. Mais fais pas genre, tu sais qui c'est. Mais qu'est-ce que tu fais, c'est le territoire des hyènes. Chez moi, viens plus pisser. Si t'as sous cette quadrille, vite, appelle ton marabout, car je t'explique. En quelques secondes, tu peux devenir une statistique. Nous sommes Agnès B. La guerre a des codes barres, trop barreau. Tous des RSK avec des frais de barche, carreau. C'est quoi vos blases? C'est Nick et James. Vous représentez quoi? 91 et Sonne, mec. Allez-y. Tu parlais mal dans mon 9-1, mais n'y viens pas, tu seras pas en lieu sûr. Depuis qu'on

quand tu vois marcher seul à Créteil Soleil ou Pélène. Pour les gros et les petits torses, 94, la gros LFL en Corse, 94, Starmon avec une entorse, 94, c'est que l'union fait la force, 94, tension et rapport de force, 94, arme blanche, monnaie fausse, 94, charge d'un rhinocéros, 94, soirée en CBR, beau gosse, 94, pour les gros et les petits torses, 94, la gros LFL en Corse, 94, Starmon avec une entorse, 94, c'est que l'union fait la force. La 94, tension et rapport de force. 94, arme blanche, monnaie fausse. 94, charge d'un rhinocéros. 94, soirée en CBR, beau gosse. 94, JPJC, you can't stop my nigga rock. What, what? Planète Rap, La Nocturne. Yeah. Dans la crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Te bête bâtard, viens nous sucer la bille. Procureur, si j'ai pli, ne feront pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, moi tu m'en sais. Les deux os, ok, ok. Ok, je suis au stepo, ok, je suis dans le camtar. Ok, je suis au dépôt, ok, je suis au star. Tu passes, mais rien que s'efface. Omer les grosses gaffes, voilà ma déposition. Porte la dédicace, dans le mur la position. De brave la solution. On tue le but, il mérite juste qu'on l'électrocute. Écroué, innocent comme d'hab. On se sent aux arrivants, mais y'a du shit comme d'hab. Du seum de la hiyab, pont de zèbre à Nanterre. Le rap français, on le ressuscite, le rien en terre. En place, c'est dans la nature. Je marche droit, longtemps, je m'enculer dans le mur. Je suis hors la loi. Une cure de liberté ne fait pas reculer. Histoire et système ne font pas basculer. Animaux dangereux, placés en correctionnel. Criminel, OMIC, phrasé non conventionnel. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Je te baisse, bâtard, même si c'est la bille. Procureur, jugé flic, font pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, pas commencé. Sans rap, sans la pouf, le nôtre sans la chenouf. Y'a risque de ouf, du droit sorti du nouf. Moi, j'suis dans ton poste comme le H dans ton poste. J'perds mon temps et mon clash, j'crois en direct live de mon clash. Quand le chat n'est pas là, les MC font du smurf, tout de malade. Ce qui manque ici, c'est les meufs et j'ai mal à. C'est dur à la chute vide et ma flûte, s'te plaît, madame la. Lâche-moi, sale pute. J'ai du genre à faire, plein de comptes à régler. Pris dans le vice, dans la matrice, peux plus m'arrêter. Je risque encore d'y passer l'été. Il m'en faut plus pour m'impressionner. Négro, la rue m'a sélectionné. Suspect idéal, cruel, sincère. Même sur l'argent, sur son p***, seulement p***, je rien sert. J'écoute le réquisitoire 8-8-2. Ici, on propose de deux, suppositoire. Les deux sont des A. Moi, j'suis une vraie histoire, pas un fantasme. Official depuis la préhistoire. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Je te baisse, bâtard, même si c'est la vie. Procureur, jugé flic, on pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. Deux autres. Terre-mer, où les marmots dansent dans des mardeaux. Faut dire tous ces colons, y'en a marre d'eux. Regarde nos femmes et notre faune, j'en suis fan, j'ai le faux au cœur, je te jure, notre historique ne fait que de coups de fouet. Kunta fuit après avoir baisé les chaînes, il était noir, faut que ça significatif. Ouais. Afrikanti, y'a pas de différence. Si ce n'est qu'il y a une minorité cupide qui prend encore dur comme fois le silence, tu le poète de Kayokera Yaoundé. Je vous convie un apéritif de canne à sucre. Ouais. Si t'es blanc d'être noir, nous on est fiers noir d'être. Une fleur qui perd ses pétales, c'est un problème de racine peut-être. Destination différente via les mêmes bateaux. Des bordures de Kribi jusqu'à l'île au Belzo. Ouais. Doc qui sait si nos aïeux ont siroté ensemble. Ouais. Tous dans le même lit puis séparés, t'en en envol d'oiseaux. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe doc, communication font la paire. Non, on se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe doc, communication font la paire. Y'a pas de meuf à poil dans mon salon. Pas de pétasse que je connais pas qui bronze sur ma terrasse. Je vais produire Cosette et là je trompe fête. On fera gagner leur disque à la Sky Roulette. Citer des noms et de toute manière, qu'est-ce que je risque? Des maisons de disques, de l'État ou du fisc. Tous on veut Kéma, la musique, le cinéma, j'ai trop mis de coups pour sortir de ce putain de coma. Trop mis de coups aux politiques et aux zoulous. Ma pose préférée, prendre la fille à quatre pattes. Qu'après l'amour, elle me fasse chauffer des pattes. Comme tu le sais, je suis 100% mulâtre. On lâchera pas l'affaire et on continue à se battre. Nous ne sommes pas les mêmes noirs, mais je le suis quand même. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Tout le monde attend l'album du ministère AMER. Un étranger avec ou sans papier. J'ai le sang trop chaud, trop dur à tempérer. Pas que des racistes en France, même le climat me fait chier. Cette différence n'a pas lieu aux yeux des Yuffi. Que les hommes changent du Kosovo jusqu'en Serbie. Ouais. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe d'homme, communication font la paire. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe d'homme, communication font la paire. Tous dans le même bateau, le 22 mai à l'Olympia. Noir, blanc, jaune, on fumait le même haya. Et dans ce même bateau se cachait Abdoulaye. Un clandé tout comme moi, il est faya. On est dans le même bateau. Dans le même bateau, je te jure. En ce qui concerne la musique et le fric. Et le fric. Prends tes 10% et laisse-toi faire. Ah ouais. Allez, viens, on continue nos affaires. On est dans le même bateau. De place des fêtes à la chapelle. Bougnoul ou Bouja, en nous interpellant, ils nous appellent. Avec pitch, complote et préviens mes potes. Vas-y, kiffe, sirote, mets des capotes. Avant-gardiste, face aux maisons disques. On craint ce qu'on ignore, mais crois-tu que j'ignore que le secteur est craint? Vu qu'ils n'ignorent pas qu'on gère notre biz. Chez eux, ça craint l'humanité. Groupe de voyageurs sur le bateau. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe d'homme, communication font la paire. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe d'homme, communication font la paire. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe d'homme, communication font la paire. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Dans le même bateau, on lâchera pas l'affaire. Mais pas le même destin, on lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. On se laissera pas faire. Le Macaroni Pride, on lâchera pas l'affaire. Ouais, c'est Doc Gynéco. C'est sur l'album de Beat. Rap français 100% explicite lyrics. La Nocturne. Tous ces talons carrés, ces filles aux beaux fessiers qui firent fureur cet été. Je lis SAS pour me remémorer. Je rêve de barésie, de filles qui ont des habits qui glapent et s'égosillent. Et déjà mes yeux brillent devant une photo de oh Vanessa que je mate à la mort. J'ai déjà des remords car je pense à des ventres à ventre, à des corps à corps, à du va et vient. Encore, encore, oh Vanessa, je pense à toi. J'ai les dessous mouillés, mouillés. Je dois me réveiller. Toilette plus lavabo, changement de caleçon, recoucher aussitôt.